إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons, mes chers frères et sœurs, la série de cours intitulée « Pour un Ramadan réussi ». Le mois de Ramadan, ainsi que le jeûne de ce mois, avait une place particulière chez le prophète alayhi salatu wassalam, de par les mérites et les bienfaits à la fois du mois de Ramadan, mais également de cette adoration qui est le jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a de nombreuses reprises et dans de nombreuses occasions expliqué et enseigné à ses nobles compagnons radiyallahu anhum les mérites du jeûne et de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a tout d'abord appris que le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Dans le hadith que vous connaissez tous, le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Bunya l'islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammad al-rasulullah, wa iqami s-salah, wa ita'i z-zakah, wa sawmi ramadan, wa hajj baytillah al-haram. » L'islam repose sur 5, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le ramadan et d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a également enseigné que le jeûne de ramadan permet de voir ses péchés pardonnés et ses fautes expiées. Et nul doute que l'être humain est exposé à l'erreur. Il est amené à dévier, il est amené à commettre des manquements. Il dit alayhi salatu wassalam « Kullu bani adama khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tous les fils d'Adam sont fauteurs et les meilleurs sont ceux qui se repentent. Les meilleurs de ceux qui commettent des fautes, des péchés, sont ceux qui se repentent. Et il dit alayhi salatu wassalam dans un autre hadith « Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum » ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait remplacé par un peuple qui commettrait des péchés, puis demanderait le pardon et Allah leur pardonnerait. Ainsi, lorsque vient le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés du musulman qui accomplit le jeûne. Allah pardonne ses péchés et expie ses fautes. Il dit alayhi salatu wassalam As-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahun idha jtunibat al-kaba'ir. Les 5 prières expient ce qui est commis entre elles sauf les grands péchés. De même pour la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, mais aussi du ramadan jusqu'au ramadan suivant. Néanmoins, il y a une condition pour que les péchés du jeûneur soient pardonnés. La première de ces conditions est que son jeûne doit être sincère et qu'il ne veut à travers ce jeûne que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jeûne avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala tout en acceptant l'obligation du jeûne. L'autre condition est que le musulman doit jeûner le mois de Ramadan en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari et Muslim rapportent Selon Abu Huraira radiyallahu anh, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Celui qui jeûne le ramadan avec foi, c'est-à-dire en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la récompense, ses péchés précédents seront pardonnés. » Et il s'agit ici des petits péchés et non des grands, car les grands péchés doivent être suivis d'un repentir sincère pour qu'ils soient pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous explique d'autres mérites du jeûne dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي » Toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent hormis le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Il délaisse ses plaisirs et sa nourriture pour moi. Ici, c'est un hadith Qudusi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui dit, toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent. Que signifie cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi? C'est-à-dire que toutes les actions du fils d'Adam, lorsqu'il les accomplit, eh bien, il obtient une part de récompense de par le fait que les gens voient cette action qu'il a réalisée. Comment est-ce qu'il est récompensé? Si l'on prend un exemple pour illustrer, si une personne prenait en charge ou prenait à sa charge des veuves, des orphelins, des pauvres et des nécessiteux, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en subvenant à leurs besoins, qu'est-ce qu'il pourrait gagner dans cela, dans cette vie d'ici-bas? Eh bien, il obtiendrait dans cette vie d'ici-bas l'amour des gens, le fait que les gens s'attachent à lui, que les gens invoquent en sa faveur. Car ces actions qu'il accomplit pour Allah Azza wa Jal, en faveur de toutes ces personnes dans le besoin et qui ont besoin de soutien, ce sont des actions apparentes. Quant au jeûne, c'est une adoration dont personne n'a connaissance. C'est une adoration invisible. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal se l'est attribué et se charge exclusivement, subhanahu wa ta'ala, de la récompenser. Pureté donc à Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui lorsqu'il donne, il comble de dons, et lorsqu'il accorde un bienfait, il est subhanahu wa ta'ala le tout généreux. Les actions pieuses, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie leurs récompenses jusqu'à 700 fois, voire plus, au point que la bonne action peut atteindre des sommets vertigineux de récompense, surtout lorsqu'elle est associée à la sincérité. Et le jeûne est au-dessus de tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala s'est exclusivement attribué le fait de récompenser le jeûneur. Et personne n'en connaît la limite. Personne ne connaît la limite de cette récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au jeûneur. Et les savants expliquent également que le jeûneur a une telle récompense car en jeûnant, il réunit les trois formes de patience. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la patience dans le fait de s'éloigner des interdits et la patience dans les décrets d'Allah douloureux. Le jeûneur réunit ces trois formes de patience et Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux patients, comme il le dit Azza wa Jal dans son noble livre, « إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » Les patients se voient attribuer une récompense sans commune mesure. Allah Azza wa Jal dit « إِلَّا الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ » Hormis le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui le récompense. Le jeûneur doit avoir à l'esprit tous ces aspects, l'importance de cette adoration qu'il accomplit et l'immense récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde et lui réserve. Pourquoi Allah azza wa jal le récompense ainsi également? Il dit « Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli » Il délaisse ses plaisirs et sa nourriture pour moi. Le jeûneur délaisse le fait de boire et de manger durant la journée de Ramadan pour Allah et pour Allah seul, car c'est Allah qui lui a ordonné de faire ainsi, également pour ses plaisirs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré un autre bienfait du jeûne dans ce même hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » Par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, l'haleine ou la mauvaise haleine du jeûneur est meilleure et plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et ici une parenthèse sur le terme « khulouf ». Dans ce hadith, beaucoup lisent « khaloufun »,« la khaloufu famis sa'im ». Et ceci est une erreur. Le terme doit être prononcé « khuloufun » avec une dhamma sur le « kha » et non une « fatha ». Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette odeur désagréable, cette mauvaise haleine qu'a le jeûneur, et cette mauvaise haleine est en réalité l'odeur qui remonte de l'estomac. Plus l'estomac se vide, et plus les odeurs remontent à travers la bouche. Pour cela que la mauvaise haleine n'intervient pas au début de la journée, mais plus en fin de journée. Cette odeur, cette mauvaise haleine a une valeur particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est considérée par Allah azza wa jal comme étant meilleure que l'odeur du musc. Et dans une version de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Atyabu indallahi yawm al-qiyamah min rihil misk » Elle sera meilleure le jour du jugement auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ceci car cette haleine résulte d'une adoration, et pas n'importe quelle adoration. Cette odeur, le jour du jugement, sera meilleure que l'odeur du musc. Et similaire à cela, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du martyr et du sang du martyr, que le jour du jugement, la couleur sera la couleur du sang, mais l'odeur sera l'odeur du musc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre d'autres mérites du mois de Ramadan et du jeûne lorsqu'il dit alayhi salatu wa sallam لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ Un autre mérite du jeûne, il dit alayhi salatu wa sallam le jeûneur connaît deux joies. Lorsqu'il rompt son jeûne, il est heureux de le rompre, et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il sera heureux et joyeux d'avoir jeûné. Le jeûneur jouit donc du bonheur et de la réjouissance, ici-bas, mais également dans l'au-delà. Ici-bas, lorsqu'il rompt son jeûne, il est heureux d'avoir accompli cette journée de jeûne. Il est heureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui autorise ce qui lui était interdit durant la journée. Quant à l'au-delà, il sera heureux et joyeux lors de la rencontre avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il trouvera ses multiples récompenses que lui aura préparées Allah subhanahu wa ta'ala. Il trouvera dans l'au-delà ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur n'a ressenti. Le jeûneur connaîtra dans l'au-delà un bonheur et une joie indescriptibles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre et nous explique d'autres bienfaits du jeûne. Dans un hadith authentique, il dit alayhi salatu wassalam, ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. Dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, jugé authentique par Cheikh Al-Albani, il dit alayhi salatu wassalam, il y a trois invocations qui sont exaucées. L'invocation du jeûneur et l'invocation de l'opprimé et l'invocation du voyageur. Le musulman doit donc redoubler d'efforts dans ce moment noble qu'est le mois de Ramadan et durant cette adoration noble qui est le jeûne pour multiplier les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre entièrement à lui, azza wa jal, de lui soumettre toutes ses demandes, de lui exprimer tous ses besoins en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations et lui accorde le pardon ainsi que la miséricorde. Au-delà des mérites déjà cités concernant le jeûne et Ramadan, le jeûne est aussi une protection et un rempart contre les flammes de l'enfer, wal'iyadu billah. C'est une protection et un rempart contre la colère du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Que les jeûneurs se concurrencent donc, qu'ils se concurrencent dans cette adoration qui est plus que méritoire. Les bienfaits immenses et ces récompenses abondantes ne sont accordées, qu'aux jeûneurs qui auront été sincères dans leur jeûne, tout en respectant les règles du siyam, tout en respectant les règles du jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a résumé ces règles à respecter. Lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ. Il dit alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce pas des paroles obscènes, ni ne se dispute en haussant le ton, et si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il dise « Inni sa'im, je jeûne ». Ainsi était l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, une éducation qui était bénéfique, tant au cœur qu'au corps. Savoir maîtriser ses émotions à travers le jeûne. Le jeûne, c'est cette adoration qui t'empêche de faire le mal et qui t'empêche de prononcer des paroles déplacées. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam confirme ces règles qui doivent être respectées par tout le monde et tout le temps, mais plus particulièrement lorsque l'on jeûne. Il dit alayhi salatu wassalam, « Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi » فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les pratiques qui y correspondent, Allah n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. Et je terminerai par la parole du noble compagnon Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui a dit « إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَلَا يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ وَفِطْرِكَ سَوَاءَ. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit, lorsque tu jeûnes, que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent en délaissant le mensonge et l'interdit. Ne nuis pas à ton voisin, fais preuve de calme et de quiétude, et fais en sorte que le jour que tu jeûnes et celui que tu ne jeûnes pas ne soient pas identiques. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك إنه سميع مجيب. Nous demandons à Allah عز وجل de nous accorder ses bienfaits et d'accepter de nous durant ce noble mois, car il est subhanahu wa ta'ala celui qui exauce les invocations. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.